C'est le commentaire hebdomadaire de Tommy Phil Descagnes. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, quand on veut être crédible, il faut dire les vraies choses. Carey Price a gardé tout un match hier. Moi, je ne suis pas un vendu Carey Price, mais hier, c'est lui qui nous a fait gagner. Mais Danny, je le dis depuis le début, le Canadien va aller aussi loin que Carey Price va performer. Là. Ouais. Je pense que c'est clair. Un gardien numéro un, faut qu'il performe quand c'est le temps. Encore plus avec une équipe qui est jeune, qui est inexpérimentée. La bonne nouvelle du côté des Canadiens de Montréal, c'est que Shea Weber est prêt de retour. Donc, le meilleur défenseur des Canadiens est un des meilleurs de la Ligue nationale. Mais ça prend des performances de Price au niveau qu'il a offert hier. Les performances de Price antérieures dans les 2-3 dernières parties avant le match d'hier n'étaient pas à la hauteur du talent et de la réputation de Price. Il faut que Price soit à ce niveau-là. Il est payé pour faire ce travail-là à un niveau également parmi les meilleurs salariés de la Ligue nationale. Donc, Price se doit d'être le gardien qu'il a été hier. Et quand Price est à ce niveau-là, c'est l'équipe qui est en confiance, les joueurs vont travailler et le Canadien va être opportuniste. Le Canadien marque des buts plus que je l'aurais cru au départ, début de la saison. Ben oui. En défensive, le Canadien a des problèmes. Et je pense que si la défensive tient le coup, avec l'arrivée de Shea Weber dans les prochains jours, moi je pense que le Canadien n'est quand même pas en mauvaise situation. Mais il faut absolument que Price soit au même niveau qu'il a été. Eh bien, Phil... Et ça prend une performance comme ça pour que le Canadien performe. Et l'arrivée de Weber va peut-être diminuer des joueurs qui ne sont pas nécessairement dans la bonne chaise. Exemple, Jeff Petrie. Ah oui, il n'y a pas un Jeff Petrie. Il y a plusieurs joueurs qui jouent 18, 20, 22 minutes par match et qui devraient jouer en principe 14 ou 15. Ils prennent du temps de glace que normalement un gars comme Weber joue 25, 26. Les défenseurs numéro 1 dans les clubs de la Ligue nationale jouent entre 24, 25, 26 minutes par match. Il faut que Weber joue à ce niveau-là. Faut pas s'attendre à ce qu'il fasse dès les premières parties parce qu'il a fait quand même un an qu'il n'a pas joué au hockey, là. Mais ça demeure que c'est le défenseur numéro un du Canadien. Et si Weber performe comme il doit performer et Price performe comme il doit, moi, je pense que les partisans du Canadien devraient être en confiance que les Canadiens pourraient participer aux séries de fin de saison. Alors qu'en début d'année, on ne parlait même pas de ça. On voit pas ça par exemple au hockey, hein, comparativement au baseball. Au baseball, quand un joueur comme Weber est longtemps absent, on l'envoie dans les mineurs puis pour raconter ça. Mais on voit pas ça au hockey. Pourtant, ça en aurait été. Moi, je pense que c'est une question d'assurance, une question salariale. Exemple, quand Price, pas que Price, mais chez Weber, est sur les assurances parce qu'il est blessé ou pas, c'est pas le Canadien qui le paye, ça affecte pas la masse salariale du Canadien. Ça n'affecte pas le nombre de joueurs qui doit être le Canadien. Le maximum est de 23, si je crois là. Donc, il y a toutes sortes de réglementations qui font que le directeur gérant et l'instructeur doivent tenir compte de ces événements-là pour dire, à ce moment-là, oui, on le prend, oui, on l'embarque. Au baseball, oui, on a une limite de 25 joueurs. Ouais. Tu sais, comme moi, Danny, il y en a 9 qui jouent sur le terrain. Là. Il y en a plusieurs qui sont des substituts, des joueurs qui sont dans le club de pratique. Donc, ça fait différent d'un club de hockey de la Ligue nationale qui joue avec 20-21 joueurs par match. C'est totalement différent de ce côté-là. Hey Phil, je veux te parler. Cette semaine, j'ai eu une belle discussion avec Joe Hardy concernant le temple de la renommée. Puis Joe m'a amené sur un bon point. Cette semaine, on a élu Martin Saint-Louis, on a élu Martin Brodeur, on a élu plusieurs autres. Penses-tu que le temple de la renommée, pour toi, c'est quoi? Parce que Joe, il disait, regarde, le temps de la renommée, ça, pour être au temps de la renommée, il faut que tu aies inventé quelque chose. Exemple, Patrick Roy, c'était le papillon. Après ça, Maurice Richard. Et là, il s'est rendu tout le monde. T'es un bon joueur, t'es au temps de la renommée. Puis, il n'y a pas tort non plus. C'est une performance, c'est une question d'implication. Moi, je l'ai été élu au temps de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec. J'ai quand même fait 17 ans dans la Ligue. J'ai été reconnu comme arbitre également à l'intérieur. C'est pas une question également de dire j'ai inventé quelque chose. Tu peux pas l'inventer non plus sans arrêt au niveau du hockey. Moi, je pense que un gars comme Martin Saint-Louis, ben lui, il a donné, je pense, une idée que des petits joueurs dans la Ligue nationale de hockey peuvent avoir leur place puis peuvent performer. Saint-Louis, écoutez, même pas joueur repêché, même pas quasiment pas invité. C'est une équipe qui décide de lui donner une chance. Et il a performé à un haut niveau. Il a aidé son équipe à gagner. Martin Brodeur a été un gardien de but dominant pendant toute sa carrière qu'il a été au New Jersey. Il leur a donné la chance de gagner la Coupe Stanley. Donc, tu sais, il y a des joueurs qui méritent. Exemple, il y a des dames qui sont maintenant au temple de la renommée. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné un deuxième souffle au hockey féminin. Ils ont ouvert des portes à des gens qui n'auraient jamais pensé pouvoir faire une carrière ou bien participer à des Jeux olympiques. ou à faire des donner l'exemple à de la jeunesse. Donc, moi, personnellement, je pense que le temple de la renommée, c'est pas une question de dire j'invente quelque chose. Il y a des dirigeants d'équipe qui ont mis énormément d'argent, énormément de temps, et qui méritent d'être reconnus par leurs pairs comme étant des précurseurs, des gens qui ont ouvert la place à d'autres gens qui viennent derrière eux. Donc, moi, personnellement, je pense que il y a des bons choix. Il y a des joueurs, des fois, tu peux mettre en doute un peu la performance, mais ça demeure. Exemple, Cicciarelli a été élu il y a 2 ans. Et bien avant ça, tant qu'à moi. Oui, mais tant qu'il a marqué 500 buts. Mais il a ramassé tellement de points dans la Ligue nationale de hockey qu'il n'a peut-être jamais été reconnu à sa juste valeur comme joueur. Ouais. Parce qu'il est arrivé à certains moments où des joueurs dominaient. Mais là, je pense que les statistiques ont démontré que c'est un joueur qui a eu un impact important avec les clubs qui a joué, puis important également au niveau des statistiques. Donc, moi, je pense qu'on doit le reconnaître. C'est une façon. Exemple, Marcel Dionne est au Temple de la Renommée. Oui. Lui, là, c'est son plus grand honneur pour une raison. Il n'a jamais gagné une Coupe Stanley. Mais non, c'est sûr, c'est Il y a des joueurs qui ont gagné une Coupe Stanley, puis ils étaient 21e joueur, puis 20e joueur sur le banc, au bout du banc. Donc, tu sais, mais ils ont une Coupe Stanley dans leur curriculum vitae. Je ne veux pas dire qu'ils doivent être au Temple de la Renommée, mais ça demeure quand même que c'est un endroit où on doit être sélectif. Moi, je pense qu'il y a des joueurs et des journalistes, puis il y a des dirigeants qui sont sur ce comité-là, qui regardent sérieusement. Chaque année, ben, on invite 5 à 6 de faire partie de ce milieu-là. Comparatif, mais c'est vrai que le hockey, on a le gros élastique comparé au baseball, parce que je suis en train de lire la biographie de Philippe Allou, Phil, et Philippe, écoute, il a pas les chiffres, il n'y aura jamais les chiffres pour être à Cooperstown. Par contre, il a tellement influencé de Dominicains, il a vécu du racisme, il a vécu... je pense qu'un jour ou l'autre, il risque d'être là. Pour une raison, effectivement, ce que tu avances, Danny, il a offert cette performance-là. Mais ça dépend aussi des personnalités qui sont là autour de la table. C'est eux qui choisissent. Ça prend quelqu'un pour le pousser aussi. Exact. Il y en a qui vont pousser plus pour un, qui vont pousser pour d'autres. Exemple, au baseball, on met en doute certains joueurs avec les anabolisants puis les produits dopants. On met certains doutes sur leur performance. Mais ça demeure qu'il y en a qui ont... Ils ont brûlé le baseball avec des chiffres incroyables, qui ont frappé des balles à distance exceptionnelles, qui ont rempli les stades. Toutes ces choses-là qu'on doit regarder. Qui est, selon toi, le Canadien, le prochain Canadien, on doit être au temple? On le voit pas, hein? Moi, je pense qu'il y en aurait deux qui auraient mérité. Par contre, ils ne seront pas. Parce que s'il y aurait eu à l'être, ils seraient déjà Jean-Claude Tremblay puis Jacques Demers. Si Roger Nielsen est au temple, Jacques Demers mérite d'être là. Moi, je pense que Demers, un jour... Jean-Claude, là, il s'agirait que quelqu'un décide un jour ou l'autre de le... propager là, à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a des gens qui mangent le bateau. Ils ont déjà tenté, il y a eu plusieurs pétitions, il y a eu... Il a déjà été tenté, mais ils n'ont pas poussé assez fort, probablement. J'ai des doutes que Jean-Claude pourrait être là, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un va dire, lui, là, c'est le temps qu'on le passe, là, même si c'était dans l'AMH, puis que la Ligue nationale de hockey, ça les a dérangés, là. Moi, ça demeure quand même, c'était un très grand joueur de hockey qui a offert des performances exceptionnelles, puis qui a été un leader à sa façon à lui. Mais Jean-Claude a toujours été un joueur effacé, dans l'ombre, jamais été très spectaculaire. Donc, c'est toujours hésitant de voir un gars comme ça. Mais espérons un jour qu'il soit là. Moi, je pense qu'il le mérite. Si Roger Nielsen l'est, Jacques Demers mérite d'être là. Tant qu'à moi. Autant, effectivement, tu as raison. Puis il a gagné des Coupes Stanley, puis il a gagné beaucoup de parties dans l'international. C'était, je pense, un joueur qui a marqué l'histoire, un coach qui a marqué l'histoire de la Ligue nationale par sa façon de faire. Phil, dernier point que je veux te parler, des joueurs de 19 ans. C'est Stéphane Leroux qui amène ça dans le site de RDS. Oui. Il y a longtemps qu'on en parle de ça. Ouais, ça risque de passer finalement. Et ça, ce serait une catastrophe pour les équipes juniors. C'est sûrement pas une bonne nouvelle pour le hockey junior, là. Mais la Ligue nationale de hockey a beaucoup de poids sur le hockey junior. Elle donne beaucoup d'argent à la Ligue canadienne de hockey. Donc, à ce moment-là, ils ont énormément d'influence sur des décisions qu'on doit prendre. Mais c'est pas tous les joueurs qui ont le potentiel de jouer à 19 ans dans la Ligue américaine. Ça va être des stars. Effectivement, ça va affecter le hockey junior parce qu'il y a des stars qui jouent au hockey junior à 19 ans qui pourraient jouer dans la Ligue américaine pour me vendre un peu plus d'expérience. N'oubliez pas que le problème de la Ligue nationale de hockey, ils veulent de plus en plus de jeunes joueurs pour une raison, les premières années, le plafond salarial. Mm. Le plafond salarial fait que quand tu as des bons jeunes joueurs de 19, 20, 21 ans, ça coûte pas trop cher, ils sont capables d'avoir une bonne équipe de hockey. Alors que quand tu prends un vétéran qui a 27, 28, 29 ans, qui a 8, 10 ans d'expérience, qui a déjà accumulé certains montants d'argent, difficile de couper sur sa paye, donc ça devient une problématique pour certains clubs de la Ligue nationale. Donc, on regarde du côté des 19 ans, comme de plus en plus, il y a des joueurs de 18 ans qui font la Ligue nationale. Mm. On regarde même pas maintenant cette question de 10 ou 6 ou 7 ans, une année de plus dans sa carrière. C'est que Le plafond salarial joue un rôle excessivement important et prédominant dans ces décisions. Phil, on se parle le vendredi prochain. C'était le commentaire de Félix.